Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les commémorations nationales, mais quel vaste sujet! Chaque année, il y a des tas d'événements dont il faut se commémorer. Mais oui, qu'il faut commémorer. Qui sont-ils en 2021, par exemple? L'insurrection à Paris, le début de la Commune, la mort de Napoléon, la naissance de Jean de La Fontaine, celle de Gustave Flaubert aussi, ou alors la fondation de la Société de Géographie, un véritable inventaire à la Prévert. Faut-il commémorer? Mais bien sûr, cela est presque une évidence, nous le faisons naturellement. Comment commémorer? Pour ça, nous avons l'expérience, cérémonie, exposition. Que commémorer? Ah, la question est plus complexe. Par le passé, elle a provoqué de belles polémiques. Et qui peut dire ce qui doit être commémoré? D'ailleurs, la commémoration peut-elle échapper à la politique? Yves Brulet, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Qu'est-ce que France Mémoire? C'est un service. Et je trouve que le mot a beaucoup de sens. C'est un service, donc qui doit rendre des services. Et c'est un service aussi d'un point de vue de son organisation, qui donc dépend, un service de l'Institut de France. Et l'Institut de France, donc qui réunit donc les 5 académies, est une institution publique, mais qui ne dépend pas de l'État, qui ne reçoit pas de l'instruction du gouvernement, et donc qui est indépendante. Et c'est pour cette raison principale que France Mémoire, donc ce service chargé donc des anniversaires et des commémorations historiques, a été placé sous la tutelle de l'Institut de France. Quel est son objectif? Alors, c'est un service donc qui a pour charge de proposer chaque année des contenus historiques fiables au sujet des principaux anniversaires qui se présentent chaque année, cinquantenaire, centenaire et multiples de 50 et de 100. Et qui ne doit pas justement faire ce que vous avez dit tout de suite, c'est-à-dire dire ce qu'il faut commémorer ou ce qu'on doit commémorer. Justement, non. Voilà, nous faisons une liste qui est indicative, qui est incitative au sens qu'elle peut mettre en valeur tel personnage qui est un peu oublié, donc qui peut être intéressant de remettre à la mémoire des Français. Mais il ne s'agit pas de dire aux gens... il faut commémorer. Voilà, c'est toute la différence avec ce qui existait avant, qui dépendait du ministère de la Culture, qui faisait un travail tout à fait remarquable. Mais les gens avaient l'impression qu'on leur donnait une liste de commémorations officielles qu'ils devaient suivre. Et ça, je pense que l'opinion publique ne supporte plus que d'avoir l'impression que l'État veut leur donner une vision officielle de l'histoire. Voilà. Et donc, on est sorti de ce système et on a simplement choisi une cinquantaine de dates anniversaires intéressantes sur lesquelles nous allons donner des contenus varié et pédagogique et le plus intéressant possible à la disposition des Français. Effectivement, l'Institut de France a annoncé la création de France Mémoire, le service des anniversaires et des commémorations historiques. C'est tout récent, hein, c'est au début de l'année 2021. Yves Brulet, ce service, vous le dirigez, c'est vous qui avez réfléchi à la mise en place de cette structure qui remplace quelque chose d'existant. Vous l'avez évoqué. Ce système existant, qu'était-il? Alors, il y avait une délégation, enfin une mission qui dépendait donc du ministère de la Culture, à la direction des archives, et qui chaque année faisait donc publier un ouvrage avec 100 ou quelquefois beaucoup plus de dates qui correspondaient donc aux anniversaires de l'année qui venait. Et il y avait un haut comité donc qui travaillait, constitué d'historiens et qui établissait une liste. Mais il y a eu plusieurs polémiques successives, d'abord sur Céline, donc ça s'appelait d'abord les célébrations nationales, ensuite ils ont mis commémoration nationale parce que commémorer n'est pas célébrer. Et puis ensuite il y a eu de nouveau une polémique, cette fois-ci c'était sur Maurras, et finalement donc le système a cessé de fonctionner, hein, et ce travail n'était plus vraiment fait. Et d'où l'idée de mettre ce travail un peu à l'abri des aléas de la politique, voilà, et de confier cette charge à une institution donc publique mais non gouvernementale qui ne dépend pas du gouvernement et qui n'est pas donc liée aux aléas, aux vicissitudes de la vie politique française. Yves Brulet, vous êtes historien, vice-président de l'École pratique des hautes études et donc directeur de France Mémoire, ce nouveau service chargé des commémorations nationales. C'est donc l'Institut de France. Avec cette question qui se pose sans cesse au moment d'évoquer ces sujets-là, c'est celui du vocabulaire. Anniversaire, célébration, commémoration. Écoutons Jean-Noël Jeannonet. Les mots disent ce qu'ils ont à dire. Célébration, cela veut dire qu'on se réjouit d'un événement qui paraît lumineux. Commémoration, depuis les latins, cela veut dire qu'on se souvient ensemble d'un événement qui peut être heureux ou malheureux. Je reviens toujours à cette distinction. Bien sûr, il est utile et précieux de rappeler à la collectivité nationale ce qu'a été un personnage comme Charles Maurras, c'est-à-dire un personnage qui, à nos yeux de républicains et de démocrates, a porté des valeurs en vérité fétides. C'est lui qui demandait que on tue Léon Blum en 1936 par un coup de poignard dans le dos. C'est lui qui a servi le pire de la collaboration. Est-ce que lorsque, dans ce recueil, on commémore la grippe espagnole de 1918, est-ce qu'on s'en réjouit? Évidemment pas. Vous trouverez aussi, par exemple, pour chercher plus loin en arrière, la destruction de la cathédrale d'Orléans au moment des guerres de religion par les protestants en 1568. Je pense qu'il n'y a pas de raison de se réjouir. Jean-Noël Jeannonet, qui parlait en 2018 au moment de la polémique autour de Charles Maurras, qui parlait donc sur France Inter et que l'on retrouve sur France Culture tous les samedis à 10h dans Concordance des temps. Ces questions de vocabulaire, c'est très clair ce que nous explique Jean-Noël Jeannonet. Célébrer et commémorer sont deux choses différentes. Ce sujet de vocabulaire est au cœur aussi de vos travaux. Rémi Dalisson, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes professeur des universités à Rouen et spécialiste de ces questions de commémoration. Vous avez écrit « Guerre d'Algérie, l'impossible commémoration » ou encore « Célébrer la nation, les fêtes nationales en France de 1789 à nos jours ». Intéressant que dans deux titres de vos ouvrages, il y a ces mots « commémoration » et « célébrer ». Ce n'est pas la même chose. « Célébrer la nation », il y a vraiment une idée politique derrière. Oui, tout à fait. Une idée politique qui remonte à loin, qui remonte à la Révolution française, voire même avant. Mais c'est un peu la particularité de la France que d'avoir cette idée que la République doive rendre hommage à des dates, à des hommes, à des événements, et que ces fêtes soient un peu comprises comme une pédagogie civique. Donc effectivement, c'était bien la nation en tant que nation républicaine qu'il fallait célébrer depuis 89. Simplement, les choses se sont complexifiées après, et est arrivée la notion de commémorer, y compris des événements tragiques, comme des guerres. Alors ça pose la question aussi du statut soit des fêtes nationales, soit des journées nationales. Et l'ensemble, fêtes et journées nationales, nous donne un calendrier très très important, puisque la France a plus de 13 commémorations et journées nationales, ce qui est un peu un record du monde. Record du monde, c'est vrai qu'il y a une spécificité française, Yves Brulet, autour de cette question de la célébration, de la commémoration en France ? Alors, je ne sais pas si c'est une spécificité, mais c'est vrai que chez nous, il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Chacun a un peu son idée. Je pense que la controverse fait même partie du travail mémoriel. Elle est à peu près inévitable sur tous les sujets. Chacun a vraiment son opinion. Non, mais alors, je voulais dire simplement que j'approuve évidemment ce qui a été dit précédemment. Même le 11 novembre, finalement, c'est un événement heureux parce que c'est la fin de la guerre. Et ça s'appelle la fête de la victoire et de la paix. Mais malgré tout, on comprend bien que le 11 novembre, en fait, on pense surtout à ceux qui sont morts. Et donc, c'est aussi un aspect tragique qui est sous-jacent. Enfin, c'est très clair. Donc, effectivement, on n'est pas, comme disait Jean-Noël Jeannonet, dans une mémoire uniquement lumineuse. Et au contraire, je pense que même la guerre 70 aussi a énormément marqué les mémoires. Cette année, c'est les 150 ans, puis il y a l'Alsace-Lorraine, etc. La commune qui est liée aussi à ces événements, tout cela, ce sont des événements tragiques, mais qui ont profondément marqué la mémoire. Et il est toujours utile dans cette mémoire, de la nourrir de connaissances historiques, pour justement arriver à dépasser le traumatisme. La mémoire peut être traumatisée, l'histoire est dans un autre champ, si vous voulez, mais elle va apporter ses connaissances pour arriver à dépasser les traumatismes. Peut-être qu'un jour, ça arrivera aussi pour la guerre d'Algérie, mais notre invité en est spécialiste. Oui, Rémi Dalisson, effectivement, cette question du débat autour de ce qu'il faut célébrer ou ne pas célébrer est une question qui s'inscrit sur le temps long. Oui, tout à fait. Et je pense qu'on pourrait revenir sur l'exemple cité par votre invité sur le 11 novembre. Le 11 novembre illustre un peu cette tension entre la commémoration et la célébration, puisqu'il faut bien imaginer que pour la République, qui avait triomphé et qui avait résisté à la guerre, le 11 novembre devait être une célébration des valeurs républicaines. Donc avec toute la gloriole habituelle, tout le savoir-faire hérité de la Troisième République, et les anciens combattants n'étaient absolument pas d'accord. Pour eux, c'était vraiment une commémoration de la souffrance au front. Donc on avait un affrontement entre ces deux conceptions de la commémoration-célébration, si vous voulez, et dans le rituel, ce qu'il a emporté, c'est la version des anciens combattants. C'est-à-dire que c'est le recueillement qui compte, c'est la mémoire douloureuse, c'était à l'origine l'interdiction aux politiques, enfin, l'accord pour que les politiques ne parlent pas, pour se recueillir sur la souffrance des copains, comme on disait à l'époque, qui sont tombés. Donc, vous voyez, à l'intérieur d'une même fête, on avait la tension entre ces deux conceptions de la chose, et ce qui fait qu'on a eu la superposition d'un rituel mortuaire, celui des anciens combattants, avec une mise en scène quand même républicaine triomphante, puisqu'on voulait célébrer la victoire de la République, ce que les anciens combattants ne concevaient pas. Il n'y avait pas de victoire après un tel conflit. Donc on a à peu près aussi les mêmes tensions aujourd'hui sur les anniversaires de d'autres conflits comme la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, justement, l'historien Benjamin Stora vient de rendre un rapport au président de la République sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Rémi Dalisson, vous avez écrit « Guerre d'Algérie, l'impossible commémoration », publié chez Armand Collin. C'était en 2017. Le rapport arrive aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur l'évolution des réflexions autour de la commémoration de la guerre d'Algérie ? Alors, c'est une question intéressante et complexe parce que depuis cette date, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Le nouveau président de la République a tenu un discours nouveau sur la guerre d'Algérie. C'est quand même le premier président de la République qui est né après les événements, donc il n'en a pas été marqué par l'onde de choc. Et donc, il y a eu des questions de langage, comment considérer la colonisation, donc comment célébrer, enfin commémorer, pardon, la commémoration. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, le voyage à Alger, et aujourd'hui on s'aperçoit quand même que les problèmes, les tensions générées par la commémoration de la guerre d'Algérie n'ont pas disparu. Les préconisations de Benjamin Stora sont plutôt judicieuses, mais quand on voit ce qui se passe par exemple avec les archives de la guerre d'Algérie et d'autres questions chaudes, si je puis dire, avec cette volonté de l'administration de retenir les archives pour ne pas communiquer sur ce qui peut gêner, on peut se poser des questions sur l'évolution du regard sur la guerre d'Algérie, une guerre dont les mémoires, c'est ce que disait le général de Gaulle, c'est la boîte à chagrin, dont toutes les mémoires sont souffrantes, donc c'est très difficile de le commémorer. Pour la guerre d'Algérie, la temporalité est essentielle. Les témoins sont encore là. C'est dans la chair des gens, des familles. Nous évoquions le 11 novembre. Il n'y a plus d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Et pourtant, est-ce que cette question de la commémoration peut prendre en compte la temporalité ? Ça ne se refroidit pas tant que ça, un événement. Écoutez Jean Zay, en 1939, qui évoquait le 150e anniversaire de la Révolution française. Les passions déchaînées, l'espérance du bonheur universel, l'appât de la gloire, l'enthousiasme et l'esprit de sacrifice, comment les âmes agitées de tant de mouvements ne s'en seraient-elles pas délivrées par des cris émouvants ? Au milieu des circonstances les plus pathétiques, l'écroulement d'un monde, l'enfantement d'un autre, la patrie en péril de mort, comment ne se serait-il pas trouvé des chefs pour traduire avec une force qui est déjà beauté les résolutions à demi inconscientes encore que la foule anxieuse sentait sourdre dans son esprit. Jean Zay, qui prononçait le 23 juin 1939 un discours pour le 150e anniversaire de la Révolution française, c'était au Palais de Chaillot, Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale. Yves Brulet, au moment de réfléchir sur les événements qu'il faut choisir, cette proposition à commémorer, la notion de temps est très importante. Quel choix avez-vous fait par rapport à l'ancienneté de l'événement ? Alors on a pris un parti un peu de simplicité, c'est-à-dire de prendre les multiples de 50, ensuite centenaires, 150-naires, etc., et de remonter aussi loin que possible, là où il y a des événements intéressants à signaler. On ne fait pas de, a priori, mais c'est pas dogmatique non plus, on va pas mettre en valeur des événements de moins de 50 ans, parce que, à ce moment-là, on arriverait à des centaines de choses. Qu'est-ce qui a été important il y a 10 ans, 20, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, etc. On arriverait à des listes infinies. Hein. Bon. Donc là, on voulait faire moins d'événements qu'avant pour les traiter mieux, au fond. Voilà. Et donc, nous allons utiliser non pas un livre comme il existait avant, mais mettre tous nos efforts sur un site internet, parce que c'est accessible à tout le monde, que chacun peut le consulter très facilement, que l'on peut le nourrir, y rajouter des documents, des émissions podcast, parce que nous avons aussi une radio en ligne qui s'appelle Canal Académie, qu'on va beaucoup utiliser pour mettre des contenus justement en ligne. Et même après, en 2022-2023, on pourra encore revenir sur le dossier de tel ou tel événement pour l'enrichir. Voilà. Et faire un site de référence que les gens pourront consulter dès qu'ils voudront savoir quelque chose sur telle chose. Donc, moins de dates pour les traiter mieux et plus en profondeur là où c'est nécessaire. Voilà. Et quand il y a des sujets qui font controverse, c'est-à-dire la majorité d'entre eux, on pourra donner éventuellement la parole, montrer qu'il y a plusieurs points de vue possibles et développer tel ou tel thème en complément. Voilà. Et donc, pour ce qui est de la liste elle-même, alors c'est une vraie question, hein, bien sûr. Lorsque on m'a demandé donc de prendre cette charge, il a fallu monter l'année 2021 assez vite. Je pense qu'après les choses vont se faire plus en amont, mais je me suis dit mais ça va être très difficile, d'autant plus qu'on en choisit moins. Et en réalité, finalement, c'était pas si difficile que ça, parce que quand vous mettez côte à côte toutes les dates, les anniversaires importants qu'on ne peut pas ne pas mettre, finalement, assez vite, vous arrivez à votre cinquantaine de dates, et les choses se font relativement naturellement, en réalité, en essayant de penser un peu à toutes les époques et pas simplement à l'histoire très contemporaine, parce que la mémoire de la France, elle s'inscrit aussi dans la longue durée. Et puis le fait d'être très contemporain pourrait provoquer la polémique, mais en vérité, être ancien n'évite pas la polémique non plus. Yves Boulet, nous allons mettre sur la page du cours de l'histoire franceculture.fr un lien pour aller vers le site de France Mémoire qui, effectivement, est une ressource. C'est une ressource de documentation, une ressource qui met en place, qui donne la parole à l'historien. Donner la parole à l'historien pour réfléchir à la commémoration, c'est peut-être le procédé de base qui peut nous intéresser, nous, Rémi Dalisson, dans cette longue histoire de la célébration de la nation. Est-ce que l'historien avait la parole hors du politique ? Alors, au départ, je dirais sous la République, l'historien travaillait avec la République, hein, puisque la République a un peu restauré l'université française, et donc les avis ont été toujours donnés. Et je dirais même après, à l'époque contemporaine, je pense par exemple aux commémorations du bicentenaire, hein, il y a eu un énorme travail de la communauté historienne, mais ce travail se fait, les gens réfléchissent sur les commémorations, sur les rapports entre histoire et mémoire, mais le problème c'est dans le débat public. Et je pense que dans le débat public, on entend assez peu les historiens. Alors, il y a la commission sur la guerre d'Algérie qui est intéressante, mais dans le débat public, je pense par exemple aux réseaux sociaux, dans ce qui résonne dans l'opinion, les historiens ont relativement peu la parole, et c'est bien dommage parce que du coup, ça conforte la confusion entre histoire et mémoire. Et cette confusion, on la retrouve aussi dans la question des temporalités que vous avez évoquées tout à l'heure. Hein. Monsieur Brulet disait pas d'événements postérieurs à une cinquantaine d'années, mais vous voyez, le politique décide par exemple récemment de créer en 2019 deux nouvelles journées nationales. Donc des journées nationales pour les victimes du terrorisme le 11 mars et puis pour le génocide arménien. Et donc, alors, sur des questions comme par exemple le génocide arménien, on entend relativement peu les historiens et c'est un peu dommage parce que du coup, ça surévalue l'impact purement mémoriel de ces événements et donc ce sont des communautés particulières qui parlent de leur mémoire, ce qui se fait au détriment du travail de l'historien qui pourrait justement peut-être pacifier les choses. L'historien peut pacifier les choses, c'est peut-être une chose à retenir et à mettre sans cesse en avant. L'historien n'est pas là pour être juge, il est là pour contextualiser, Yves Brulet. Mais la contextualisation, c'est dire à ce moment-là, si nous prenons, je ne sais pas moi, la mort de Napoléon, tenez, 5 mai 1821. C'est le bicentenaire cette année. Eh bien, il y a la contextualisation du moment de 1821, mais il faut prendre en compte Napoléon aujourd'hui. Et ça, vous réfléchissez aussi à cette question-là. Oui, principalement, en réalité. Bon, bien sûr, le bicentenaire de la mort de Napoléon, tout le monde va en parler. Quand je parle du monde, je parle pas seulement de la France, c'est bien le monde. Tout le monde va en parler, donc on ne pouvait pas, à France Mémoire, ne pas en parler. Bien sûr, alors effectivement, c'est l'un des angles que nous avons choisi pour le traiter. Alors, je ne peux pas vous annoncer exactement ce qui va se passer, parce que tout ça est en train de se travailler, mais c'est l'idée, justement, comment, 200 ans après sa mort, Napoléon garde une telle notoriété dans le monde entier. Et donc, sa postérité est un peu Napoléon 1821-2021, si je puis dire. Donc ça, c'est l'un des angles. Mais Chateaubriand avait tout compris dans les mémoires d'Outre-Tombe. Déjà, donc il écrit dans les années autour de 1840, 20 ans après la mort de Napoléon, il dit déjà que la légende napoléonienne à remplacer l'histoire napoléonienne et qu'il faut renverser tout cela et remettre l'histoire napoléonienne à la place de la légende. Il dit Bonaparte n'est plus le vrai Bonaparte, c'est une figure légendaire composée des lubies du poète, etc. En fait, il avait tout compris. Et ça, c'est l'un des angles que nous allons mettre en avant. Voilà, réfléchir à ce qu'il faut commémorer et surtout comment parler d'un événement du passé qui peut faire écho au présent et surtout comment le présent perçoit cet événement du passé. Au-delà des commémorations liées à un anniversaire, à des dates, il y a des commémorations annuelles. 14 juillet, Paris, avec sa traditionnelle revue, a célébré la fête de la France et de la République. De l'Étoile à la Concorde, sur la voie triomphale baignée de soleil, s'est déroulée la grande parade de la jeune armée française en présence de M. Vincent Auriol, de M. Édouard Herriot, de M. Bévin et Spaak, ainsi que d'autres personnalités venues pour la conférence des 16. Après, les chasseurs à pied, les fusiliers marins défilent sous l'œil de M. Duff Cooper, ambassadeur de Grande-Bretagne. Les Saint-Cyriens au classique casoar passent à leur tour devant les attachés militaires étrangers. Enfin, voici les chars du 2e groupement blindé. Un 14 juillet comme les autres, non. Plus simple et plus émouvant peut-être. Le 14 juillet 1947, dans les actualités françaises, Rémi d'Alisson, la France célèbre la nation tous les ans, le 14 juillet, mais pas seulement, avec une évidente forme de célébration qui change, qui évolue. Quelle est la France que l'on célèbre à un moment précis? Bien, il suffit de regarder la forme de célébration et on peut trouver des éléments. Oui, alors... C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que dans les commémorations régulières, les commémorations nationales, il y a une trame qui perdure à travers le temps. On pourrait appeler ça des invariants. Et parmi ces invariants, il y a la présence de l'armée, qui étonne toujours beaucoup nos partenaires étrangers aujourd'hui. Mais tout ça a un sens. Alors, ensuite, ponctuellement, sur cette trame, le défilé 14 juillet, le monument aux morts 11 novembre, la sonnerie aux morts, se greffent des événements extrêmement contemporains qui changent en fonction des époques. Donc là, vous aviez l'exemple de 1947, mais le 14 juillet 1958, le général de Gaulle fait défiler devant les troupes, les soldats des troupes coloniales. Donc c'est pas innocent. Les 14 juillet sont aussi troublés par des manifestations politiques comme les 11 novembre. Donc vous voyez, la commémoration est plastique, mais il y a une scénographie immuable, donc qui remonte à l'époque de la création de la fête nationale. Et ce serait bien que cette commémoration, ces invariants soient expliqués. Par exemple, est-ce que les gens savent encore ce que symbolise la sonnerie aux morts, ce que symbolise la minute de silence? Si on explique aux gens ce qu'est la minute de silence, c'est-à-dire la communauté nationale qui se soude dans la mémoire commune, donc une solidarité nationale, peut-être que ça intéresserait un petit peu plus les gens. Donc vous voyez, il y a cette difficulté, garder une trame, mais qui ne peut être utile que si on l'explique. Et de même, je pense qu'il serait bon qu'on explique un peu plus aux gens que le choix des dates est un choix politique, en ce noble du terme, et que ces choix de dates ont toujours été débattus, ont toujours posé problème. Alors, pour le 11 novembre, on le sait, pour le 14 juillet, mais aussi pour la guerre d'Algérie. Hein. Il y a une dizaine de dates qui sont possibles, hein, et on s'est cristallisé autour de la question du 19 mars, mais il y en a d'autres. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a une question de pédagogie. Si on veut pas que les fêtes nationales soient tombent un peu dans la naphtaline parce qu'elles ont ce rituel désuet, troublé par des événements ponctuels, je pense qu'il faut expliquer le sens des dates qui sont retenues. Et si on interrogeait les Français, je pense que beaucoup ne le sauraient pas. Expliquer le sens des dates, expliquer le sens d'une commémoration, mais pour faire corps, le corps de la nation, le corps social, une identité collective qui ne laisse pas la place normalement à la polémique, ou s'il y a polémique, cette polémique vient enrichir une identité collective. Dites-nous, Yves Brulet, toutes ces questions de pourquoi choisit-on ces événements? Il y a bien un objectif derrière cet objectif, est-ce celui-là? Est-ce réfléchir à ce qui est un lien commun entre nous tous? Alors, il y a plusieurs choses dans tout cela. C'est-à-dire que les rites liés aux fêtes qui viennent d'être mentionnés sont très importants. Mais encore une fois, et je rejoins ce que notre collègue a dit, il faut nourrir... c'est-à-dire que le rite a une utilité très grande, certainement, hein, pour que les gens se sentent une nation, etc. Mais il faut nourrir par des connaissances... historique sans cesse, voilà, savoir de quoi on parle, voilà. Et notre mission à France Mémoire, je pense que c'est plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire que nous ne nous substituons pas à la politique mémorielle que l'État peut conduire, le président, les ministres, etc. D'ailleurs, on a très bonne relation, il n'y a pas de problème. Mais à côté, il est utile qu'il y ait une instance indépendante, hein, qui est de la vie politique, qui est une instance publique. Malgré tout, qui puisse faire des propositions et fournir des contenus. Donc, encore une fois, cette liste n'est pas du tout une liste prescriptive, hein, elle est juste indicative et incitative, et c'est les sujets sur lesquels nous allons travailler et fournir des documents. Voilà. Mais il ne s'agit pas de se substituer à une action politique. L'action politique va continuer. France Mémoire, ce service qui réfléchit aux événements qu'il faut commémorer, propose des documents de pédagogie, mais de son côté, l'État, le gouvernement, peut choisir aussi des dates qu'il veut commémorer. Ça ne va pas l'un contre l'autre, c'est un même mouvement. Oui, ou même une commune peut décider de mettre en avant une figure locale très importante, mais qui n'a peut-être pas la notoriété suffisante pour être dans la liste des 50 sujets que l'on a décidé de traiter, parce qu'on ne peut pas parler de tout, et je pense que ce n'est pas la peine d'attirer l'attention de l'ensemble des Français sur chaque année des centaines de dates. Je veux dire, s'il y a trop de dates, après, les gens ne vont plus s'y intéresser. Donc, il vaut mieux en faire moins, mais ça n'empêche pas du tout une commune de mettre en avant telle personne et d'obtenir même des subventions de la DRAC. Enfin, je veux dire, la liste n'est pas du tout limitative de ce point de vue. Voilà, qui va bénéficier des trompettes de la renommée 22 octobre 1921. Bah tiens, il y a 100 ans cette année, naissance de Georges Brassens. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Je vivais à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux, bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire sur mon brin de laurier. Je dormais comme un loir, les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre, et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Manquant à la pudeur la plus élémentaire, dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position je plonge dans le stupre et la fornication? Si je publie des noms, combien de Pénélope passeront illico pour de fieffées salopes? Combien de bons amis me regarderont de travers? Combien je recevrai de coups de revolver? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. À toute exhibition, ma nature est rétive, souffrant d'une modestie quasiment maladive, je ne fais voir mes organes procréateurs à personne excepté mes femmes et mes docteurs. Dois-je, pour défrayer la chronique des scandales, battre le tambour avec mes parties génitales? Dois-je les arborer plus ostensiblement comme un enfant de cœur porte un Saint-Sacrement. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Georges Brassens et les trompettes de la renommée dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige, le cours de l'histoire qui s'intéresse à cette notion de commémoration. La commémoration, sujet complexe bien sûr, mais sujet qui n'est pas fermé. Nous venons d'entendre Georges Brassens, Yves Brulet. Georges Brassens fait partie de la liste que vous proposez de ces événements qui sont notables, dont l'on peut mettre l'accent. Mais il n'y a pas que ça, le populaire, la culture populaire est quelque chose aussi d'important dans ses choix. Oui, d'ailleurs c'était le cas déjà auparavant, hein, faut le souligner. Mais effectivement, il y a des centenaires, bon, c'est le centenaire de la naissance aussi d'Yves Montand et de Simone Signoret, d'autres figures. Mais ce qui est intéressant aussi, et chacun pourra consulter cette liste, hein, sur notre site et faire, comment dirais-je, enfin, s'intéresser à ce qu'il voudra. Mais ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est pas seulement des naissances ou des morts, c'est aussi parfois l'anniversaire de d'œuvres ou de découvertes, par exemple. Bon, mais des œuvres, les lettres persanes, voilà, il y a un anniversaire. Bon, je trouve que c'est intéressant de mettre en avant aussi les œuvres, la création des fourberies de Scapin, le début des Rougon-Macquart en 1871. Bon, donc des œuvres et puis des découvertes. Et l'année prochaine, alors j'anticipe sur 2022, mais il y aura par exemple le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. Voilà, c'est une date qui est intéressante à tous égards, notre rapport à l'histoire lointaine, à la langue aussi, le travail aussi de l'érudit. Donc voilà, c'est l'occasion de mettre en avant pas mal de sujets variés. Et puis, alors bien sûr, les naissances et les morts, bon, le bicentenaire de Flaubert, le quatrième centenaire de La Fontaine. Alors là, c'est très intéressant parce qu'il y a une action locale extrêmement riche à Château-Thierry pour La Fontaine, à Rouen, en Normandie pour Flaubert, qu'il faut vraiment très remarquable. Et nous l'accompagnons et nous allons diffuser et donner autant que possible un écho national à tout ce qui se fait dans les régions. Et puis, il y a déjà ce sentiment, quand sont évoqués ces moments particuliers, qu'ils peuvent conduire ou pas à la polémique. C'est vrai que pour Champollion, ça devrait aller. Pour Yves Montand, ah, pourquoi pas, peut-être un peu, parfois, pour d'autres anniversaires. Et notamment, cette année, c'est l'insurrection à Paris, hein, c'est la Commune de Paris. Là, nous savons qu'il y a débat, parce qu'il y a toujours eu débat. Rémi d'Alisson, la Commune qui, cette année, va être commémorée ou célébrée, ça dépend où l'on se place, s'inscrit aussi dans cette longue histoire de la célébration de la nation. Oui, tout à fait. Avant de parler de la Commune, je voudrais juste vous féliciter pour avoir passé Georges Brassens, parce que Georges Brassens, d'une certaine manière, il a parlé des commémorations, hein, quand il dit que celle qu'il préfère, c'est la guerre de 14 par rapport à la guerre de 39-45. Il parle déjà de la mémoire nationale, et quand il fait une chanson sur les deux oncles, hein, il parle du souvenir de la Seconde Guerre mondiale, et il illustre justement cette polémique dont vous parlez. Hein, quelle guerre commémorer, qui commémorer, quand, comment, pourquoi. Donc voilà, c'est un très très bon choix. Pour en revenir à la Commune, oui, c'est très très intéressant ça, parce que donc ça va être, il va y avoir une commémoration officielle, mais qu'est-ce qu'on commémore? Est-ce qu'on commémore d'une certaine manière la chute de l'Empire, même si la proclamation de la République est antérieure à la Commune? Est-ce qu'on commémore la résistance à l'invasion prussienne, même si c'est postérieur à l'armistice avec les Prussiens? Est-ce qu'on commémore une expérience politique subversive, hein, d'autogestion avec le communisme, ou est-ce qu'on commémore certaines idées qui ont été reprises par la République plus tard, hein, notamment sur l'école publique? Et c'est d'autant plus intéressant que les républicains légaux, les républicains officiels qui prennent le pouvoir, sont très très embarrassés avec la mémoire de la Commune. Hein, on pourrait prendre l'exemple de Jules Ferry. Il n'aime pas trop l'insurrection, tout en comprenant qu'il faut garder la trace de cette expérience un petit peu unique qui euh, qui glorifiait Marianne, elle aussi, mais une Marianne rouge contre une Marianne tricolore. Donc voilà, ça, je trouve que c'est un très bon exemple, et c'est de ça dont il faudrait parler. Qu'est-ce qu'on commémore dans la commune? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Quelles sont les manières de commémorer? Comment est-ce qu'on intègre les commémorations de l'extrême-gauche, par exemple, qui ne seront pas les mêmes que celles de la République? Donc c'est un très bon exemple, et j'ose espérer que le débat fleurisse, mais je n'en suis pas persuadé. Mais écoutez, en tout cas, le débat sera peut-être là autour de la date, si nous restons sur la commune, de commémoration, parce que là aussi, il y a une réflexion à avoir. La commune, que commémorer? La semaine sanglante au mois de mai? Ou alors c'est le choix qui a été fait par France Mémoire, le début de l'insurrection, c'est-à-dire le 18 mars 1871. Mais il y a discussion là aussi. L'idée, c'est plutôt de parler de l'ensemble de l'événement, oui, sans chercher à polémiquer. Alors absolument. En fait, on a mis la date du début parce que c'est le moment où nous allons mettre en ligne le maximum de documents historiques et de connaissances, etc. Donc non, il ne s'agit pas d'un choix commémoratif, hein. Il s'agit vraiment d'une date pratique. C'est le moment où l'on donnera voilà ces éléments historiques les plus variés possibles. Mais je voudrais prolonger ce qu'a dit notre collègue. Et tout à fait vrai, nous allons montrer aussi comment ça a marqué la mémoire de la France, mais y compris dans sa littérature, dans ses arts, et comment la Troisième République se construit sur cette controverse, hein, sur la mémoire de la commune. Et pareil pour la guerre de 70 d'ailleurs, hein, au fond, qui a marqué la littérature, y compris même la musique d'ailleurs, qui a obligé à repenser aussi l'instruction, hein, la création de Sciences Po, la création de l'école de guerre, etc., de repenser la formation des élites aussi en France, et pas seulement des élites. Donc voilà, comment ça a marqué la culture et toute la Troisième République. C'est ça l'angle que nous avons choisi. Cette guerre de 1870-1871, elle prend fin en janvier 1871, 150 ans, la commune, 150 ans aussi, et 150 ans aussi, parce qu'à l'été 1871, Arthur Rimbaud écrit Le bateau ivre. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes. 10 nuits, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleus et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescent, dévorant les azurs verts, où flottait son blême et ravi, un noyer pensif parfois descend, où teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que vos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud, alors là qui remémore sans doute plein de choses à nos auditeurs, à nos auditrices. Lu par Gérard Philippe, il va falloir attendre l'année prochaine pour fêter le centenaire de la naissance de Gérard Philippe, ce sera en 2022. Et bien justement, la création de ce bateau ivre par Arthur Rimbaud fait partie des événements qui se trouvent dans cette liste de France Mémoire, Yves Brulet. D'ailleurs, à quoi ça sert? C'est-à-dire qu'il y a une notion de partenariat, d'aide aussi, parce qu'il y a une liste, c'est intéressant, c'est pas une liste juste pour dire on fait une liste. Non, c'est la liste des sujets sur lesquels nous allons donner des contenus. Et comme nous nous adressons aussi au public des collèges, des lycées, pour les enseignants, il y aura sur certains sujets particulièrement utilisables dans le cadre scolaire des dossiers pédagogiques. Voilà. Donc c'est l'occasion de faire ce travail et de mettre des contenus à disposition et de marquer les grandes œuvres qui ont été celles de la littérature française. Et donc je note Gérard Philippe, effectivement, on n'oubliera pas d'y penser l'année prochaine. C'est important. Mais il y a aussi cette question de patrimoine. C'est patrimonial, ce que vous notez dans cette liste. Et quand je lis Gustave Flaubert, Jean de La Fontaine, nous venons d'évoquer Arthur Rimbaud, il y a du patrimoine littéraire, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, Cartouche, que vient faire Cartouche dans cette histoire? Ah, merci beaucoup de poser la question, je l'espérais. Parce que, alors pour le coup, c'est un cas typique, si vous voulez. Cartouche était un bandit. Bon. Et donc là, c'est le troisième centenaire de son exécution, donc c'est pas particulièrement joyeux. Et nous, à France Mémoire, nous ne sommes pas particulièrement pour les bandits ou pour les assassins, que ce soit clair. C'est voilà, l'Institut de France. Oui, exactement. Mais c'est intéressant parce que Cartouche a une place dans la mémoire. Et cette place, elle a existé d'abord par le théâtre, parce qu'il y a eu des pièces de théâtre dès le XVIIIe siècle. Ensuite, Alexandre Dumas en a parlé dans les chroniques de la Régence. Et puis, plus récemment, dans les années 60, le film avec Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinal, film de Philippe de Broca, Cartouche. Donc, Cartouche existe dans la mémoire des Français par cette œuvre d'art qu'on a tous vue. Et il nous a paru intéressant de profiter de cet anniversaire pour mettre à côté de cette mémoire qui est parfaitement, c'est une œuvre d'art, donc on ne va pas la critiquer, de mettre à côté qui était vraiment. Qu'est-ce que les historiens savent de Cartouche? Qu'est-ce qu'ils peuvent en dire? Et là, c'est quelqu'un qui était quand même à la tête d'une bande qui commettait des vols et des assassinats. Donc, c'est pas tout à fait le côté romanesque et romantique du film. Donc, il s'agit pas de détruire ce qui existe dans la mémoire des gens. Après tout, voilà, c'est encore une fois une œuvre d'art, mais d'y ajouter un contenu historique solide. Et donc, comme ça, on saura qui est ce Cartouche, qui n'est pas seulement l'image de Jean-Paul Belmondo au début des années 60. Ce n'est pas détruire, c'est expliquer, enrichir même sur un événement, sur un personnage. Rémy d'Alisson, vous avez travaillé sur l'histoire de la commémoration, sur l'histoire de la célébration. Et là aussi, il n'est pas question, quand la nation se célèbre, qu'elle évoque ces événements fondateurs, de les déconstruire. Il faut comprendre comment ils se sont construits. Il y a tout un travail à faire entre l'événement lui-même, l'évolution qu'il a eue, la perception qui a changé, ce qu'il en est aujourd'hui. Oui, et c'est tout l'intérêt des commémorations et de travailler sur les commémorations, c'est que ça réunit ces deux dimensions, la dimension de l'événement et la dimension de la mémoire de l'événement. Et alors, à titre d'exemple, vous avez évoqué donc la guerre de 70, qui à mon sens n'est pas assez commémorée. Ça pose la question, comment est-ce qu'on commémore une défaite ? Faut-il commémorer une défaite? C'est compliqué. On célèbre des victoires, mais on ne célèbre pas une défaite. Donc, c'est cette question qu'on s'est posée pour la guerre de 1870, on l'a transformée en commémoration presque joyeuse d'une revanche. Mais cette question, elle est encore actuelle avec la guerre d'Algérie. Parce qu'après tout, c'est une défaite qu'on doit commémorer. On doit se souvenir ensemble d'une défaite. Donc, il faut se rappeler de l'événement, et puis de ce qu'il est devenu à travers le prisme des mémoires, et pourquoi est-ce qu'il est devenu aussi polémique aujourd'hui. Et pour en revenir à la guerre d'Algérie, le drame, c'est qu'il y a trois commémorations, trois journées nationales pour la guerre d'Algérie, qui s'entrechoquent, hein, et d'ailleurs le président Macron va faire quelque chose pour ces trois dates, hein, le 5 décembre, 19 mars et 23 septembre, mais voilà, on a ces deux dimensions, et si on en reste à la perception par les groupes mémoriels, on n'en sort pas. Donc voilà tout l'intérêt de travailler sur les commémorations. Et je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus sur la. Alors évidemment, il y a la pandémie, hein, sur la guerre de 1870, parce que c'est l'archétype de toutes ces polémiques qui vont suivre après. Donc voilà, réunir les deux, l'événement, la mémoire et donc le contexte. Et une question. Pour célébrer Jules Ferry, par exemple. Jules Ferry, la guerre de 70. Voilà. Une question de perception essentielle. En 2021, nous célébrons le centenaire de la naissance de Frédéric Dard. Et puis Frédéric Dard, alias San Antonio, qui publie aux éditions du Fleuve Noir votre, j'ai bien compté, 105e, j'ai l'impression. Je ne sais pas, je ne fais pas le compte. Je ne fais pas le compte, moi je l'ai fait. Je vois 105e San Antonio, ce qui fait beaucoup. 4 paroles. Non, mais c'est pas fini. Oui, si vous marquez déjà des signes de lassitude, alors non, pas de lassitude, vous allez me casser la cabane. J'ai quand même pas lu les 105. J'en suis à peu près à la moitié, d'après mes estimations, si Dieu me prête vie. 4 par an? Quatre par an. Et ça fait des années que ça dure. Oui. Non, parce que, éternelle question qu'on se pose à propos de vous, certains disent, oui, San Antonio est lu, au fond, par le gros public, par les poujadistes et réactionnaires qui trouvent là-dedans de la violence, de la sexualité. Et puis, il y a des intellectuels qui disent... C'est pour lui, les journaux. Mais pas du tout, San Antonio, derrière le gros rire, se cache une moquerie formidable et même parfois très triste de notre monde, de sa sexualité, de sa violence. Alors, qui faut-il croire ? Bah écoutez, je pense qu'ils ont raison, que ces intellectuels ont raison, parce que derrière San Antonio, il y a un bonhomme qui est moi. Mmh. Et alors, c'est un masque merveilleux, parce que derrière ce masque, je peux tout dire, je peux tout faire, je peux tout me permettre. La grammaire n'existe pas, je la manipule, je fais ce que je veux, je jongle avec, on me pardonne tout, puisqu'il y a un masque de carnaval. Bernard Pivot qui discutait avec Frédéric Dard dans l'émission Apostrophe en 1979. Donc Frédéric Dard, sa naissance qui fait partie de cette liste hein, de France Mémoire. Nous entendons ici qu'il y avait des polémiques bien sûr autour de Frédéric Dard. Oh là là, réactionnaire, génie littéraire. Yves Brulet, quand vous vous saisissez d'un tel service sur les commémorations, vous vous dites « mais je vais faire ressurgir des débats du passé ». Oui, écoutez, ça ne me dérange pas tellement. Alors moi, je ne suis pas lecteur de Frédéric Dard, mais si vous voulez, la question, c'est pas de canoniser les gens. Hein. On va pas dire, on va les envoyer au paradis ou en enfer. Et s'il y a des débats sur Frédéric Dard, eh bien, il y aura des débats sur Frédéric Dard. Si vous voulez, c'est l'occasion d'en parler et de donner la parole à des spécialistes. Donc, on va trouver un universitaire qui a travaillé sur le roman populaire, le roman policier, et puis il nous expliquera qui est Frédéric Dard, et on aura des données fiables sur Frédéric Dard. Voilà. Donc, le débat, je pense que la controverse, elle est à peu près inévitable. Sur une immensité de sujets, et même sur les sujets qui paraissent a priori consensuels, en réalité, il y a toujours moyen de dire « Ah ben oui, mais en réalité, tel jour, il a fait une horreur. Bon. » Donc, c'est inévitable et on l'assume complètement. La question, c'est que la controverse doit être un débat civilisé et non pas, si vous voulez, une espèce de polémique perpétuelle où chacun essaie d'être l'incarnation de la vertu. Bon, voilà. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de canoniser les gens. On ne va pas les envoyer ni en enfer ni au paradis. C'est pas notre rôle. Si certains considèrent que c'est leur rôle à eux, c'est très bien. Mais nous en parlons. Voilà, c'est tout. C'est pas le Panthéon non plus. Parler, diffuser le savoir pour comprendre le passé et au moment des commémorations, évidemment, comprendre le présent. Merci beaucoup Yves Brulet. France Mémoire, donc on va retrouver hein, le lien de France Mémoire et tous les documents proposés, on le met sur la page du cours de l'histoire, franceculture.fr. Et merci beaucoup Rémi Dalisson. Rémi Dalisson, merci. Je rappelle, hein, Guerre d'Algérie, l'impossible commémoration ou encore Célébrer la nation, les fêtes nationales en France de 1789 à nos jours. Rémi Dalisson qui a l'élégance, le jour d'une émission sur les commémorations, de placer ce jour-là son anniversaire. Bravo. C'était bien, bon anniversaire. Rémi merci Dalisson. Beaucoup. Il est l'heure maintenant de retrouver Anaïs Kien et son journal de l'histoire qui justement réfléchit elle aussi sur ce que signifie la mémoire. En l'occurrence, c'est la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie avec le rapport Stora. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous réfléchissons à cette notion de commémoration. La commémoration peut-elle échapper à la politique ? Et vous allez nous parler du rapport de l'historien Benjamin Stora sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Dans son rapport, l'historien Benjamin Stora dessine un ambitieux programme de rapprochement franco-algérien. Les propositions sont nombreuses, reste à voir lesquelles seront sélectionnées pour l'action du gouvernement. Y sont évoquées aussi bien la recherche historique qui associerait les historiens et les historiennes des deux pays à favoriser et à mettre en valeur, les disparitions d'Algériens et de Français au cours de la guerre dont Maurice Audin n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. On y voit également apparaître la valorisation de figures négligées comme l'émir Abdelkader, dont l'exil au château d'Amboise est mentionné de manière vague et elliptique sur place, ou encore la lumière à faire sur la mort d'Ali Boumengel au cours de la bataille d'Alger et la panthéonisation de Gisèle Halimi, avocate des militants du FLN. Ces propositions d'action militent aussi pour l'élaboration d'une politique favorable à la transmission de cette histoire coloniale à travers l'édition, la traduction et les programmes scolaires. Et les musées figurent aussi en bonne place avec la poursuite de l'examen des restes humains des combattants algériens du 19e siècle, conservés au Musée national d'histoire naturelle à Paris, la réactivation du projet de musée de l'histoire de France et de l'Algérie, abandonné en 2014 après un changement de majorité municipale, et enfin, dans ce chapitre patrimonial, le rapport propose la création d'une commission sur le destin à venir du canon Baba Merzoug, érigé en colonne patriotique discrète dans la rade de Brest sous le nom de la Consulaire, avec l'éventualité de sa restitution presque 2 siècles après la conquête d'Alger. Un simple canon qui trône dans un programme de grande envergure pour renouer des liens meurtris, sa présence pourrait sembler incongrue. C'est un monument qui passe quasiment inaperçu au sein de l'arsenal. Pourtant, il suscite des convoitises de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. La Consulaire est le nom donné à ce canon, aujourd'hui surmonté d'un coq, un canon fondu en 1542 destiné à défendre le port d'Alger. Baba Merzoug, l'autre nom de la Consulaire, devait remplir ce rôle de canon protecteur et canon très spécial puisque c'était l'équivalent de la grosse Bertha de l'époque. Les demandes de restitution d'objets accaparés au cours des périodes coloniales, longtemps traitées par le mépris, sont désormais devenues un vecteur de dialogue sur le passé colonial. On pourrait y voir l'avènement d'une nouvelle relation post-coloniale avec la reconnaissance des crimes coloniaux encapsulés lorsqu'elle n'est pas officielle dans ces transports d'objets vers leurs premiers propriétaires. Mais n'y aurait-il pas un risque de voir ces restitutions devenir des actes faciles, un déplacement d'objets en fanfare, un nouveau rituel de réconciliation prêt à l'emploi pour expédier le travail de mémoire demandé ? L'Élysée a assuré que le président français était résolu à effectuer des actes symboliques pour apaiser les mémoires après la réception du rapport de Benjamin Stora. Une politique symbolique qui ne doit pas recouvrir le travail de titan à accomplir encore aujourd'hui sur la colonisation et ses conséquences contemporaines, celle de l'Algérie, mais aussi celle de l'ensemble des guerres coloniales, à scruter et pas seulement dans les musées. Merci beaucoup Anaïs Kien pour ce journal de l'histoire. La semaine dans le cours de l'histoire, nous sommes partis à la rencontre des grandes figures qui ont façonné l'université. Robert de Sorbonne, Eumène et les écoles gallo-romaines. Évidemment, Julie-Victoire Daubier, première bachelière, une pionnière à l'université. Et puis, l'expérience de l'université de Vincennes, des émissions à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Vudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou. La semaine prochaine, histoire du mensonge.